À Cuba, c'est jour de fête, et voici drapeau en tête, la fanfare qui s'apprête à ouvrir le défilé. Tout à coup, le chef s'agite, on voit ses yeux qui palpitent, le clairon a pris la fuite, mais où est-il donc passé? À l'ombre des credo, do, do, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, ré, do. Quand le soleil vous tape sur l'occiput, et zut, pour lutter contre eux. Et la fanfare s'en va, clopin, clopin, et le chef se dit en gesticulant, une fanfare qui défile sans clairon, c'est un seigneur sans pantalon. Si naturel Ramirez, si naturel Ramirez, ah celui-là, au lieu de jouer la clarinette, il ferait mieux de jouer à la pétanque, ah là là, pour défiler. À Cuba, c'est jour de fête, et voici drapeau en tête, la fanfare qui interprète un nouveau pas redoublé. Cependant, le chef s'inquiète, avoue que c'est malhonnête, à présent c'est le trompette qui s'est volatilisé. À l'ombre des cactus, il fait do, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C'était le seul qui savait déchiffrer, pensez le vide que ça fait. Et la fanfare s'en va, clopin, clopin, et le chef s'écrie en gesticulant, je vous en supplie, surtout ne me mélangez pas, Beethoven et la cucaracha. Oh, oh, oh, assassini, assassini, si naturel Ramirez, si naturel Ramirez. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a un bémol? Montrez-moi la partition. Imbécile, hein? C'est une mousse. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il croyait jouer un bébé. Qu'est-ce que c'est ça, un bébé? Hein? Un bémol baladeur. M'en faites un chouette, vous, de bémol baladeur. Vous commencez à me courir sur la clé de sol, Ramirez. Pour défiler! Arrivé devant la gare, il n'y a plus de fanfare. Quant au chef, il en a marre, il y a de quoi être vexé. La police ouvre une enquête, au cours d'une battue champêtre, on découvre tout l'orchestre affalé dans un fossé. À l'ombre des cactus, ils font dodo. On entend le chef hurler comme un veau. Vive le mambo et vive le cha-cha-cha. Alors, Seigneur, il faut voir ça. Pour défiler. Si naturel, Ramirez. Bueno.